Okay, I'm T-Reggae Rods from Jamaica soon. Dans le problème qui nous amène vers une baguette de copine en vie de haine.